بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On continue donc aujourd'hui, c'est notre cours 118 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, Al-Furqan bayna awliya al-Rahman wa awliya al-Shaytan. Donc on est arrivé maintenant à la partie où le Cheikh il dit wa qala ta'ala. Donc les commentaires, c'est le commentaire de Cheikh Al-Fawzan, comme j'explique Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Et on est arrivé à la parole de Cheikh Al-Islam ibn Taymiyyah, où il dit وَقَالَ تَعَالَى فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ إِلَى قَوْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ. Donc ici, le cheikh, il mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné dans ses versets, ce qui signifie, il commence à partir du verset 29 jusqu'au verset 34. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ses versets ce qui signifie, « Rappelle donc, et par la grâce de ton Seigneur, tu n'es ni un devin, ni un possédé. » Ou bien, ils disent, « C'est un poète. » Attendons pour lui le coup de la mort. Dis, attendez, je suis avec vous parmi ceux qui attendent. Est-ce leur raison qui leur commande cela, ou sont-ils des gens outranciers? Ou bien ils disent, il l'a inventé lui-même. Non, mais ils ne croient pas. Eh bien, qu'ils produisent un récit pareil à lui, c'est-à-dire le Coran, s'ils sont véridiques. Donc, ça, c'est les versets que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a cités. Et on voit que ça rentre en même temps avec les versets qu'on a expliqués hier dans Sourate Al-Haqqa. Hein, dans Sourate Al-Haqqa et également dans Sourate, les versets qu'on a expliqués avant ça, dans Sourate Al-Shu'ara. Donc, on mentionne encore une fois les explications que le cheikh il a donné, Cheikh Al-Fawzan, à ce sujet-là. Il dit وَهَذَا نَفْيٌ لِمَا وَصَفُوهُ بِهِ أَنَّهُ كَاهِنْ وَأَنَّهُ مَجْنُونَ وَأَنَّهُ شَاعِرٌ وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى اضْطِرَابِهِمْ وَيَتَخَرَّصُونَ تَارَةً يَقُولُونَ شَاعِرٌ وَتَارَةً يَقُولُونَ كَاهِنٌ وَتَارَةً يَقُولُونَ كَذَّابٌ وَتَارَةً يَقُولُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُهُ بَشَرٌ يعني يَعْلَمُهُ بَشَرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يُمْلِي عَلَيْهِ فَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا وَهُوَ مَا يَكْتُبُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ اكْتَتَبَهَا يعني كتبها له هذا الإسرائيلي وهو غلام في مكة ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي يعني هذا البشر أعجمي وهذا القرآن عربي فكيف يأتي الأعجمي بهذا القرآن العربي الفصيح وهو أعجمي يعني لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين هذا يدل على كذبهم في هذا الأعجمي ما يقدر على أنه يأتي بهذا القرآن الفصيح البليغ أبدا ليس هذا من لغته. Donc ici, le cheikh, il explique ensuite, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il nie les fausses descriptions que les mushrikines et les kuffars donnent à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parfois, ils disent que c'est un devin, parfois, ils disent qu'il est fou, parfois, ils disent qu'il est un poète, hein, qu'il est un menteur. Et en réalité, ça, c'est la preuve que c'est des gens qui sont en conflit et que ce sont des gens qui sont confus et que ce sont des gens qui se contredisent parce que ces descriptions-là sont contradictoires, chacune contredit l'autre, hein? Donc ils disent soit que c'est un poète, ou des fois ils disent c'est un devin, des fois ils disent c'est un menteur, des fois ils disent c'est un homme qui lui enseigne, hein? Ils disent c'est un homme qui lui enseigne ça. Et il cite le cheikh, le verset dans Sourate Al-Furqan, hein, le verset 5, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ils disent, ce sont des contes d'anciens qu'il se fait écrire. On les lui dicte matin et soir. Hein? Donc ça, c'est des exemples. Ils prétendent que il se fait dicter ces paroles-là. Et il cite également le cheikh, le verset 103 dans Sourate An-Nahl. Le verset 103 dans Sourate An-Nahl, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie, et yani, nous savons parfaitement qu'ils disent, ce n'est qu'un humain qui lui enseigne le Coran. Or, la langue de celui auquel ils font allusion est étrangère, c'est-à-dire non arabe, et celui-ci est en une langue arabe bien claire. Donc le cheikh, il dit, cet être humain-là, hein, eux, ils prétendent que c'est un juif, hein, qui lui enseigne des choses et qu'il lui écrit. Et yani, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, on sait très bien que, hein, nous savons que ces gens-là prétendent que c'est un être humain qui lui enseigne. Or, la langue de cette personne, c'est une langue étrangère, tandis que le Coran est écrit et révélé dans une langue qui est. Yani, une langue qui est un arabe pur, hein, un arabe qui est pur. Et donc ça, c'est logiquement impossible. Et c'est la preuve de leur mensonge, puisque un non-arabe n'est pas capable de ramener un Coran aussi éloquent et aussi dans un langage aussi pur et aussi clair que le Coran, alors que sa langue n'est pas arabe. Hein, où sa langue n'est pas l'arabe. Et le cheikh, il dit ensuite, il cite un autre verset, le verset qu'on a lu justement dans Sourate At-Tur, le verset 29, فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ. Hein, c'est le verset 29. Rappelle donc par la grâce de ton Seigneur, tu n'es ni un devin, ni un possédé. Hein, tu n'es pas fou. Tu n'es pas un devin, tu n'es pas un fou. Et le cheikh, il dit, وَهَذِهِ فِي سُورَةِ التُّورِ فَذَكِّرْ أَيُّهَا الرَّسُولُ ذَكِّرْ بِمَا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَلْتَفِتْ إِلَى اتِّهَامَاتِهِمْ فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ كَمَا يَقُولُونَ وَلَا مَجْنُونَ كَمَا يَقُولُونَ هُمْ أَيْضًا مُضْطَرِبُونَ لَمْ يُثْبِتُوا لم يثبتوا على قول بل يعني لم يثبتوا على قول هل المجنون يقول شعرا؟ المجنون مجنون لا يستطيع أن يتكلم. هل يأتي بهذا القرآن الفصيح البليغ وهو مجنون؟ المجنون يهذي ولا يحسن الكلام، لكن هم مضطربون. هل هذا القرآن شعر؟ ها؟ قارن بينه وبين الشعر تجد الفرق واضحا. ها؟ هل هو كهانة؟ بينه وبين الكهانة فرق. الكهان تجد أساجيعهم يعني تضحك العقلاء، ليست من كلام رب العالمين، مثل سجع مسيلمة وسجاح وغيرهم من الكهان. Donc ici le cheikh, il explique, il dit par rapport au verset, hein, donc rappelle donc, et par la grâce de ton Seigneur, tu n'es ni un devin, ni un fou, hein, ni un possédé. Et le cheikh, il dit, hein, que yani, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce verset-là, de rappeler, hein, de rappeler aux gens ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé, et de ne pas se tourner ou de ne pas tenir compte de leurs accusations. Et il dit donc, rappelle, parce que par la grâce de ton Seigneur, tu n'es ni un devin, hein, comme il le dit, contrairement à ce qu'ils disent, ni un fou, contrairement à ce qu'ils disent. Donc ils se contredisent eux-mêmes, hein, ils sont confus eux-mêmes, ils sont dans la confusion. Et ils se contredisent parce qu'ils ne sont pas capables de rester sur une seule parole. Hein? Ils changent à chaque fois. Il change de position ou d'accusation à chaque fois. Et la preuve de ça, comme le cheikh il le dit ici, il dit, regardez, ils disent qu'il est fou. Mais est-ce que le fou, il est capable de dire des poésies et de faire des poésies? Il dit, le fou, il est fou, il ne peut même pas parler, il ne fait que délirer. Il n'est pas capable de dire une parole qui est droite ou qui est claire. Hein? Il n'est pas capable donc de produire ou de ramener un Coran qui serait aussi éloquent et aussi clair que ça. Donc comment il serait fou et puis il ramènerait yani, un Coran pareil. Et il dit, et ils se contredisent également. Donc est-ce que quand on compare par exemple le Coran et la poésie, est-ce qu'on est capable de voir qu'il y a une ressemblance entre la poésie arabe et le Coran? Il y a une grande différence. Il y a une grande différence entre la poésie et le Coran. Hein? Et on voit très bien que le Coran, il ne suit pas du tout les règles de la poésie arabe. N'importe qui a étudié la poésie arabe, il voit ça yani, du premier coup d'œil. Hein? Juste à l'écouter, même tu vois tout de suite que c'est pas du tout la même chose. Et il dit, donc compare entre le poème et compare entre la poésie et le Coran. Tu vois une grande différence. Et il dit la même chose pour yani, la divination et le Coran. Il y a une grande différence entre les deux. Il dit, quand tu écoutes les rimes que font les devins, hein, et tu vois qu'est-ce qu'ils disent comme paroles qui font rigoler les personnes intelligentes, parce qu'ils ne disent que des bêtises, ils ne disent que des futilités, tandis que ça, c'est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, c'est incomparable. Et quand tu regardes, par exemple, les rimes que faisaient, par exemple, Musaylama et Sajjah, et tu vois ce qu'ils disent, c'est des choses. Quand les gens entendaient ça, ils se moquaient d'eux parce que c'était clair que c'était pas yani une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit yaquluna sha'ir, ahyanan yaquluna kahin, wa ahyanan yani wa hinan yaquluna majnun. Am yaquluna sha'irun natarabbasu bihi rayb al-manun. Nantazir hatta yamut wa nastarih minhu mithla ash-shu'ara alladhina kanu fil jahiliyya. يعيش مدة ويؤذي الناس بشعره ثم يموت وينقطع ذكره وهم يقولون اصبروا على هذا الرجل إلى أن يموت ونستريح منه وهل لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم انقطع ذكره وانقطع القرآن الكريم ما انقطع لأنه من عند الله سبحانه وتعالى. Et donc le cheikh il mentionne, ils disent donc que parfois ils disent qu'il est un poète, parfois ils disent que c'est un devin, un voyant, un médium, hein? Des fois ils disent que c'est un fou. Et le cheikh il dit, يعني, أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. Donc il dit, des fois, ou bien ils disent que c'est un poète, on attend qu'il meure, hein? On attend qu'il meure, c'est-à-dire, une fois qu'il va être mort, ce poète, hein, comme les autres poètes, yani, quand il va mourir, on va avoir la paix avec lui, on va être débarrassé. Et le cheikh, il dit, c'est-à-dire que les poètes, dans la jahiliya, hein, avant l'islam, ils vivaient un temps, puis ils pouvaient parfois faire du tort à certaines personnes avec avec leur poésie, puis après ça, ils mouraient, puis on parlait plus d'eux. Hein, on les oubliait complètement. Et il disait les mouchriquines, yani, soyez patient avec lui. Yani, il va mourir tôt ou tard et puis on va avoir la paix avec lui. Ça va être fini après sa mort. On ne va plus entendre parler de lui. Et le cheikh, il dit, et est-ce que lorsque le messager, sallallahu alayhi wa sallam, est mort, on a cessé de parler de lui, hein, et que son rappel, c'est dissipé après sa mort. Donc le cheikh il dit non, on entend, son rappel est toujours présent. Hein? Pourquoi? Parce que ça vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ça vient pas d'un être humain. Et le cheikh il explique ensuite, il dit, il mentionne les paroles d'Ibn Taymiyyah, Il dit فَنَزَّهَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَنَزَّهَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَمَّنْ تَقْتَرِنُ بِهِ الشَّيَاطِينُ مِنَ الْكُهَّانِ وَالشُّعَرَاءِ وَالْمَجَانِينَ وبين أن الذي جاءه بالقرآن ملك كريم اصطفاه. قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. Donc le Cheikh Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam, il dit « Allah subhanahu wa ta'ala a purifié notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'être associé au diable ou aux shayateen, que ce soit parmi les devins ou les poètes ou les fous. » Et il a expliqué que ce qu'il a ramené du Coran, c'est par l'intermédiaire d'un noble ange que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi. Et il mentionne à ce sujet-là le verset justement 75. Le verset 75 dans Sourate Al-Hajj, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit: et Allah subhanahu wa ta'ala a choisi des messagers parmi les anges et parmi les hommes. Il choisit des messagers parmi les anges et parmi les hommes. Et il dit dans le verset 192 à 195 dans Sourate Ash-Shu'ara, certes c'est une révélation du Seigneur des mondes. Et l'Esprit fidèle, Ar-Ruh Al-Amin, est descendu avec sur ton cœur, c'est-à-dire ô Muhammad, sur ton cœur, ô Mohammed, pour que tu sois du nombre des avertisseurs dans une langue arabe claire. Et Cheikh Al-Fawzan, il explique ici, il dit الذي جاء بالقرآن ملك كريم وهو جبريل عليه السلام الروح الأمين اصطفاه أي اختاره من بين الملائكة. Donc celui qui est venu avec le Coran, c'est un ange, c'est-à-dire celui qui l'a révélé au prophète, que Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui faire la transmission du Coran. Et c'est l'ange qu'on appelle en arabe Jibril. En français, on l'appelle Gabriel, mais c'est Jibril en arabe. Et Yani alayhi salam, et c'est l'ange fidèle, l'âme fidèle. Des fois, on l'appelle Ar-Ruh Al-Amin, des fois, on l'appelle Ar-Ruh Al-Qudus. On l'appelle l'Esprit Saint, des fois, on l'appelle l'esprit fidèle ou l'esprit honnête. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a choisi parmi les anges pour être son messager, pour l'envoyer aux êtres humains qui sont choisis par lui parmi les messagers et les prophètes. Il dit ensuite Ar-rusul ala qismayn, rusulun min al-mala'ika wa rusulun min al-bashar. Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan ومن الناس يختار رسلا من الملائكة ورسلا من الناس فالرسالة اختيار من الله استيفاء من الله ليست كما يقول الفلاسفة إنها يكتسبها الإنسان بصفائه وصفاء فطرته وذهنه وفلسفته يطلعون إلى أن يكونوا رسلا وأنبياء الرسالة من الله هو الذي يصطفي سبحانه وتعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. Donc le Cheikh il dit les messagers sont de deux catégories, les messagers parmi les anges et les messagers parmi les êtres humains. Donc ça c'est les deux catégories de messagers, et Allah subhanahu wa ta'ala il choisit ses messagers parmi les anges et parmi les êtres humains, et il choisit parmi les anges et il choisit parmi les hommes. Et donc le fait d'être le fait de faire partie de ceux qui reçoivent un message d'Allah, c'est quelque chose qui est choisi et décidé uniquement par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui élit hein, et qui choisit ceux qui peuvent être des messagers. Et ce n'est pas tel que les philosophes essaient de prétendre lorsqu'ils disent que la prophétie, c'est quelque chose qui est acquis. Hein. C'est-à-dire que n'importe qui peut l'acquérir en se purifiant lui-même, en purifiant sa nature ou en purifiant son esprit ou sa philosophie. Et donc, ils cherchent à devenir ou à être eux-mêmes des messagers ou des prophètes. Et il faut donc comprendre que non, ça c'est une fausse conception que ces philosophes-là possèdent. La réalité, c'est que les messagers sont choisis uniquement par Allah et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les désigne. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 124, dans Suratul An'am, Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatah. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala sait mieux où placer son message. Ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit, wa qala ta'ala, qul man kana aduwan li Jibril, fa'innahu nazzalahu ala qalbika bi'ithnillah. Al-aya. Wa qala ta'ala, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِلَى قَوْلِهِ قُلْ نَزَّلَ الرُّوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Donc ici le cheikh il explique, يعني, il cite deux versets. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, hein, rahimahullah, il cite deux versets. Le premier verset dans Surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie et quiconque est l'ennemi de Jibril, hein, quiconque serait l'ennemi, dit au Muhammad, quiconque serait l'ennemi de Jibril, alors sachez qu'il l'a fait descendre sur ton cœur par la permission d'Allah. Donc la révélation hein, est venue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la, yani par l'intermédiaire de Jibril sur par la permission d'Allah sur le cœur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite il mentionne les versets 98 à 102 dans sourate An-Nahl hein, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie lorsque tu lis le Coran. Non, c'est pas ce verset là. C'est les versets 98 à 102 dans Surat An-Nahl. Oui, c'est ça. Lorsque tu lis ou lorsque tu récites le Coran, cherche la protection ou demande la protection d'Allah contre le shaitan, hein, contre le diable banni. Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et placent leur confiance en leur Seigneur. Il n'a de pouvoir que sur ceux qui le prennent pour allié et qui deviennent mushrikin avec lui. Hein, et qui deviennent mushrikin à cause de lui. Il dit ensuite, quand nous remplaçons un verset par un autre, et Allah sait mieux ce qu'il fait descendre, ils disent, tu n'es qu'un menteur. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Dit, c'est le Saint-Esprit, c'est-à-dire Jibril, Ruh al-Qudus, qui l'a fait descendre de la part de ton Seigneur en toute vérité, afin de raffermir la foi de ceux qui croient, ainsi qu'un guide et une bonne annonce pour les musulmans. Donc ça, c'est les versets que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a cités ici. Et Cheikh al-Fawzan, il explique dans ces versets, il dit, « وَهَذَا يُبَيِّنُ أَنَّ قَوْلَهُ الرُّحُ الْأَمِينَ أَنَّهُ جِبْرِيلِ كانت اليهود لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم من سخرياتهم وعنجياتهم يقولون لو كان الذي ينزل عليه غير جبريل عليه السلام لآمنا به ولكن جبريل عليه السلام عدو لنا فلا نؤمن بهذا قال الله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. يعني جبريل عليه السلام ما جاء به من عنده وإنما جاء به من عند الله. Donc le Cheikh il dit ici dans ce verset on a la clarification que l'Esprit Saint, donc l'Esprit fidèle dont il est mention dans les versets dans Sourate Ash-Shu'ara, il s'agit de Jibril alayhi salam. Et les Juifs, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation et lorsqu'il a été envoyé comme messager, pour se moquer, hein, et pour les Juifs, pour se moquer, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, si c'était autre que Jibril qui l'avait ramené la révélation, eh bien on aurait cru en lui. Sauf que Jibril, c'est notre ennemi. Hein, donc on ne veut pas croire en lui. Et le Cheikh, il dit que Allah Azza wa Jal, hein, il a mentionné justement ce verset-là, le verset 97 dans Surat al-Baqarah, pour réfuter justement les Juifs à ce sujet. Quand il dit au Muhammad, celui qui est l'ennemi de Jibril, eh bien, sachez qu'il l'a fait descendre sur ton cœur par la permission d'Allah pour confirmer ce qui a été révélé avant lui et comme une guidance et une bonne nouvelle pour les croyants. Et Jibril, alayhi salam, il n'a pas ramené donc le Coran de lui-même, mais c'est quelque chose qui lui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est Allah qui lui a transmis pour qu'il le transmette au messager sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite le Cheikh il dit, Cheikh Al-Fawzan il dit ensuite, يقول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون فإذا أراد المسلم أن يقرأ القرآن فإنه يبدأ بالاستعاذة لأجل أن يطرد الشيطان لأن لا يشوش عليه قراءته ويغلطه في القراءة فإذا استعاذ بالله انطرد عنه الشيطان فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم المرجوم المبعد ثم بين أن الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون وهو قال هذا قال لأزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين فعباد الله المخلصين والمؤمنون ليس له عليهم سلطة يعني ينطرد ويبعد عنهم. Donc le Cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il dit donc si tu récites le Coran, lorsque tu récites le Coran, cherche le refuge cherche le refuge en Allah contre le shaitan, le banni. Il n'a aucun pouvoir contre ceux qui croient et qui mettent leur confiance en leur Seigneur. Il n'a uniquement de pouvoir sur ceux qui le prennent pour allié et ceux qui font du shirk avec lui. Hein, qui font du shirk, c'est-à-dire qui font du shirk, qui deviennent des mushrikoun avec lui. Et donc le Cheikh il dit, le musulman, lorsqu'il veut lire le Coran, il doit chercher le refuge en Allah subhanahu wa ta'ala. Il commence par le fait de chercher refuge en Allah en disant « A'udhu billahi minash shaitanir rajim » pour chasser le shaitan, hein, pour pas que le shaitan vienne lui déranger sa lecture et sa récitation et pour lui faire des erreurs dans sa récitation. Donc il cherche le refuge en Allah subhanahu wa ta'ala pour chasser le shaitan et Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne de le faire en disant فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Donc cherche refuge en Allah contre le shaitan rajim, c'est-à-dire al-marjoum, celui qui est lapidé et qui est éloigné, qui est banni. Et il dit ensuite, puis le shaitan, il faut savoir qu'il n'a aucun pouvoir sur ceux qui ont cru et qui mettent leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 39 et 40 dans Sourate Al-Hijr. Dans 39 et 40 dans Sourate Al-Hijr, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie jusqu'au jour de l'instant connu, il dit ô mon Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur, je leur enjoliverai la vie sur terre et les égarerai tous. Et le verset 41, à l'exception, le verset 40, pardon, à l'exception parmi eux de tes serviteurs élus. Hein? À l'exception parmi eux de tes serviteurs élus. Et donc, ici, le cheikh, il explique que, yani, donc, Allah, subhanahu wa ta'ala, yani, ses serviteurs pieux, le shaitan n'a aucun pouvoir sur eux. Et, yani, quand il s'agit des croyants, donc ils sont chassés et éloignés parce qu'ils cherchent refuge en Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, il dit donc, Fasammahu ar-ruh al-amin, wasammahu ruh al-qudus. Hein? Qala ta'ala, Fala uqsimu bil-khunnas al-jawari al-kunnas. Naam. Donc, ici, le cheikh, il mentionne donc que Allah subhanahu wa ta'ala, il a nommé Jibril Ar-Ruh al-Amin et parfois il l'a appelé aussi Ar-Ruh al-Qudus. Et le cheikh Al-Fawzan, il commente sur ça en disant Samma Jibril alayhi salam Ar-Ruh al-Amin wa sammahu Ar-Ruh al-Qudus ay At-Tuhur Al-Quds, yani Al-Qudus, yani At-Tuhur. وهو المطهر صلى الله عليه وسلم وسماه جبريل سماه جبريل عليه السلام قل من كان عدوا لجبريل. Donc ici le cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala il a nommé Jibril عليه السلام الروح الأمين et il l'a appelé aussi الروح القدس. Donc الروح الأمين يعني l'esprit qui est fidèle, qui est honnête. Et الروح القدس, c'est-à-dire l'esprit qui est pur, qui est purifié. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala l'a également appelé Jibril dans certains versets dans le Coran, comme le verset 97, dans Sourate Al-Baqarah. Allah il dit, Man kana aduwan li Jibril. Ensuite, par rapport au verset dans Sourate Al-Takwir, le verset 15 et 16, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Fala uqsimu bil khunnas. Al-Jawaril Kunnas. Et qu'est-ce que ça signifie? Yani, il dit, non, je jure par les planètes qui gravitent, Al-Kunnas. Et il dit, Al-Jawar Al-Kunnas. Al-Jawar Al-Kunnas. Qui courent et disparaissent. Et le cheikh explique ici, Cheikh Al-Fawzan, il dit, La hadihi imma annaha nafiya. أي ليس الأمر كما تزعمون وإما أنها صلة للتأكيد تأكيد الكلام أقسم أي أحلف بالخنس وهي النجوم التي تختفي يعني تختنس إذا جاء النهار وتبرز إذا جاء الليل والجواري يعني تخنس في المغيب ثم تظهر وتجري إلى مغيبها من المطلع إلى المغرب وتشاهدونها تجري أنت تراها في مكان وبينما إذا مضت مدة نظرت إليها وجدتها قد سارت وتقدمت عن مكانها الأول فهي خنس وجوار يعني خنس إذا غربت وجوار إذا ظهرت. Donc ici le cheikh il explique cette partie du verset dans sourate At-Takwir quand Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ. Donc là, hein, là ici le cheikh il dit soit que c'est une négation dans le sens de non, ce n'est pas tel que vous le pensez. Hein, je jure. Hein, je jure par Al-Khunnas. Et le cheikh, il dit également, ça peut être un terme qui est employé pour confirmer le sens de ce qui va suer, de ce qui va suivre. Donc, non, dans le sens que je confirme, hein, que je jure. Je confirme que je jure par Al-Khunnas. Et on a dit Al-Khunnas, c'est-à-dire les planètes ou les étoiles, hein, qui gravitent. Et le cheikh explique que Al-Khunnas, c'est-à-dire les étoiles qui se cachent, hein, qui disparaissent. Lorsque vient le jour, elles disparaissent. Et lorsque vient la nuit, elles réapparaissent. Al-Jawari, Al-Kunnas, c'est-à-dire qui courent et disparaissent. Donc Al-Jawari, ça veut dire celles qui courent. Et Al-Khunnas, c'est-à-dire celles qui disparaissent. C'est-à-dire que, yani, quand vient le jour, hein, elles disparaissent. Et quand vient la nuit, elles reviennent et tu les vois dans le ciel. Et puis un moment, hein, elle bouge ou elle part vers un autre lieu et tu les retrouves plus à la même place où tu les avais vus la première fois. Puis elles reviennent encore une fois à leur point de départ. Donc, quand elles disparaissent, elles sont khunnas, et quand elles reviennent, elles sont des jawari. Hein? Jawari, al-jawari. Quand elles bougent, elles sont des jawari et quand elles disparaissent, elles sont khunnas. Ok, donc ça c'est le cheikh qui a expliqué ça. Puis le cheikh Ibn Taymiyyah, il commente sur ce point-là et il dit Ya'ni al-kawakib allati takunu fi s-sama' khanisatan, ay mukhtafiyatan qabla tulu'iha, fa idha zaharat ra'aha an-nas jariyatan fi s-sama', fa idha gharabat dhahabat ila kunnasiha alladhi yahjubuha. نعم والليل إذا عسعس إذا أي إذا أدبر وأقبل الصبح والصبح إذا تنفس أي أقبل إنه لقول رسول كريم وهو جبريل عليه السلام ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين أي مطاع في السماء أمين ثم قال وما صاحبكم بمجنون أي صاحبكم الذي من الله عليكم به إذ بعثه إليكم رسولا من جنسكم يصحبكم إذ كنتم لا تطيقون أن تروا الملائكة. Donc ici le Cheikh Ibn Taymiyyah il fait le tafsir de la fin de sourate At-Takwir. Donc, il explique que les étoiles, comme on a dit tout à l'heure, elles sont dans le ciel et elles sont khanissa, c'est-à-dire elles se cachent. Après, hein, après ça, elles se cachent avant le lever des étoiles. Puis après, une fois qu'elles sont levées, elles apparaissent et les gens les voient et ils les voient bouger dans le ciel. Et quand elles se couchent, elles disparaissent encore une fois. Hein, elles retournent dans leur lieu de yani, où elles se cachent. Et donc il dit Wallayli idha as'as. Hein? Donc ça c'est le verset 17, c'est-à-dire et par la nuit quand elle survient. Hein? Et par la nuit quand elle survient. Et il dit c'est-à-dire quand arrive yani, quand le jour part et que la nuit quand la nuit part et que le jour arrive, ou quand l'aube arrive, hein, donc la nuit elle vient, puis après, quand la nuit est terminée, elle part et l'aube apparaît. Donc, وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ. Et par l'aube, quand elle exhalte son souffle, أَيْ أَقْبَلَ. Donc, quand l'aube arrive. إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. Ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager. Et c'est-à-dire Jibril, hein, c'est-à-dire celui qui transmet hein, ce Coran. Donc, on va lire les commentaires jusqu'ici. Yani les points que. Ou bien sinon, on va terminer l'explication d'Ibn Taymiyyah. Après, on va lire les commentaires de Cheikh Al-Fawzan sur ce verset. Donc, c'est Jibril. Et Allah, il l'a décrit dans le verset en disant « Dhi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin », c'est-à-dire doué d'une grande force et ayant un rang élevé auprès du maître du trône. Hein? Donc, ay muta'in, hein? Muta'in 'inda dhil 'arshi makin, ayant un rang élevé. Bon, ils ont traduit ça comme ça, ayant un rang élevé, yani dhi quwwatin, celui qui a une force. Auprès de celui qui détient le trône. Yani, il dit Muta'in thamma amin, obéi, hein, obéi par les autres anges qui sont dans le ciel. Et il est également yani, fidèle, hein, fidèle et honnête, de confiance. Il dit, ثُمَّ قَالَ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ, hein, digne de confiance. Et il dit, et votre compagnon, c'est-à-dire Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas fou. Hein, ce n'est pas un possédé ou un fou. أي صَاحِبُكُمْ, donc, c'est-à-dire votre compagnon, celui à qui Allah, celui par qui Allah vous a fait la grâce yani, et la faveur yani, d'être guidé en l'envoyant vers vous comme messager. Alors qu'il fait partie de la même hein, de la même espèce que vous, puisque c'est un être humain, il n'est pas parmi les anges, c'est un messager humain, et il vous accompagne lorsque vous puisque vous ne pourriez pas supporter de voir la réelle création des anges ou la vraie état des anges. Donc le cheikh Al-Fawzan, il commente sur ces versets-là, il dit comment كما قال عن الشيطان الوسواس الخناس الذي إذا ذكر الله انخنس وإذا غفل عن ذكر الله وسوس فالشاهد أن الانخناس هو التأخر. Donc il dit que par rapport à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrit par rapport au يعني الجوار الكنس. Et qu'est-ce qu'il a dit aussi? Fala uqsimu bil khunnas, yani al jawar il khunnas, al khunnas, c'est la même description qui a été employée pour décrire le shaitan lorsque Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans le verset 4 dans Sourate An-Nas. Il dit du shaitan qu'il est al waswas il khunnas. Donc, Al-Khannas, celui qui disparaît. Et il l'a appelé comme ça, pourquoi? Parce que le shaitan, il est comme ça. Il vient et yuwaswis. Il vient pour essayer de te faire des suggestions et de te souffler des suggestions dans ton âme. Et quand tu te rappelles d'Allah, il part, il quitte, hein, il te laisse. Et lorsque tu es insouciant du rappel d'Allah, il vient pour essayer de te, hein, de te suggérer des suggestions mauvaises. Donc, il est al-waswas il-khannas. Et c'est ça, donc, ici, pour expliquer que le terme al-inkhinas, c'est-à-dire le al-inkhinas, c'est le fait de partir ou de disparaître. Et ensuite, il dit, par rapport yani, à l'aube, ou bien par rapport à donc c'est ça. ذهبت إلى كناسها والليل إذا عسعس أي أدبر وأقبل الصبح. Donc la nuit quand elle s'en va, il dit أدبر انتهى وجاء الصبح. وهذه كلها إقسامات. Donc tout ça c'est des serments que Allah fait. Donc tout ça, il jure par toutes ces choses-là. Hein, il jure par les planètes, par les étoiles, il jure par la nuit lorsqu'elle part et l'aube lorsqu'elle apparaît, et il jure yani, toutes ces choses-là. Puis après, il mentionne la chose pour laquelle il jure. Hein, il jure quoi? Il jure que c'est un noble messager, hein, ou la parole d'un noble messager, c'est-à-dire Djibril, c'est ça. C'est ça la chose pour laquelle il a juré par ces choses-là. Et il dit donc que ce Coran, il jure que le Coran, c'est la parole d'un noble messager, Djibril, alayhi salam, muta'in thamma amin, Donc, yani, c'est ça. Comme on l'a expliqué tout à l'heure. Et dans un autre verset, dans Sourate An-Najm, Allah, subhanahu wa ta'ala, quand il décrit le Jibril, il dit Dhu mirratin fastawa. Donc, dans ce verset, il dit Dhi quwwatin inda dhil arshi makin. Celui qui détient de la force, hein, celui qui est fort. Yani. Et dans l'autre verset, dans Sourate An-Najm, le verset 6, il dit Dhu mirratin. Et mirra, yani, c'est la force aussi. Fastawa. Hein, il parle ici de Jibril. Ensuite, en ce qui concerne la suite du verset, le cheikh dit Al-ayatul ula fi akhir al-shu'ara wal muradu bir al-rasul huwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi hadhihi al-ayat min surat al-takwir al-muradu bir rasul sallallahu alayhi wa sallam Jibril alayhi salam li'annahu huwa alladhi alqahu ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Donc les versets qu'on a expliqués hier par rapport au verset dans Sourate Ash-Shu'ara, le messager qui était mentionné, c'était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tandis qu'ici, il s'agit de Jibril alayhi salam, et yani, on dit la parole du messager ici, c'est-à-dire la parole de Jibril, et on attribue la parole ici à Jibril seulement dans le sens que c'est lui qui l'a transmis hein, à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, non pas que c'est lui qui est l'origine de cette parole, parce que l'origine de cette parole, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui a prononcé cette parole, et donc c'est la parole d'Allah et non pas la parole de Jibril. Il dit ensuite, donc, ذي قوة عند ذي العرش مكين عند الله, subhanahu wa ta'ala, مكين عند الله, قريب من الله, مطاع ثم أمين, أي في السماء تطيعه الملائكة وهو أكبر الملائكة وسيد الملائكة عليه السلام. Donc il dit le cheikh ici que yani, Jibril alayhi salam, il est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui détient le trône. Et celui qui détient le trône, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est parce que c'est son trône. Et donc Jibril, il est rapproché de Allah subhanahu wa ta'ala et il est obéi par les autres anges qui sont aux cieux, et les anges lui obéissent, et c'est le plus grand de tous les anges, et le maître des anges, alayhi salam. Il dit ensuite, Muta'in thamma amin, hein, amin ala mastuhfidha alayhi min al-wahi. Donc il est fidèle, il est de confiance par rapport à ce qu'on lui a confié de la révélation. وهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما مدح جبريل عليه السلام مدح الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا سند القرآن عن محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن الله سبحانه وتعالى. Donc il dit le cheikh que Allah سبحانه وتعالى donc il a يعني il a parlé maintenant du messager par la suite. وما صاحبكم بمجنون. Il s'agit ici du messager dont il parle à la suite après avoir glorifié Jibril alayhi salam, il fait les éloges maintenant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit c'est ça la chaîne de transmission du Coran. C'est selon yani, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, selon Jibril et yani, d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est Allah qui l'a transmis à Jibril et Jibril qui l'a transmis à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Muhammad qui l'a transmis aux Sahaba et les Sahaba qui ont transmis à nous hein, en passant par les tabi'in et ainsi de suite. Et le cheikh il dit ensuite donc وما صاحبكم بمجنون كما يقوله الكفار إنه مجنون أصابه الجن والمس من الجن فصار يعني يهذي وهل المجنون يأتي بهذا القرآن لكن ليس لهم عقول. نعم. Donc le cheikh il explique et il dit que ils disent Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset وما صاحبكم بمجنون, votre compagnon n'est pas fou hein? C'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Contrairement à ce que disent les kuffars, ils disent il est fou, il a été touché par un djinn. Hein? Il est possédé. Et donc, il délire. Il dit n'importe quoi. Et le cheikh, il dit, est-ce que la personne qui est possédée, est-ce qu'elle va ramener quelque chose semblable au Coran? En réalité, ces gens-là n'ont pas de raison, ils ne réfléchissent pas. Et le cheikh, il dit ensuite, وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ فَمِنْ مِنَّةِ اللَّهِ أَنَّ هَذَا الرَّسُولَ مِنْ جِنْسِنَا نكلمه ونجالسه ونمشي معه ويأكل معنا ونأكل معه ونسمع منه ولو كان من الملائكة ما استطعنا أن ننظر إليه ولا أن نخاطبه فهو يصحبكم في السفر وفي الحضر وفي كل مكان تتلقون عنه الوحي تتلقون الوحي والشريعة عنه وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى ثم أنتم تعرفون هذا ولا تقولون هذا لا نعرفه ولا ندري من أين جاء هو معكم من أشرف قبائلكم ويعيش بينكم وتعرفون أمانته تعرفون أمانته وصدقه ما جاءكم غريب البشر لا يستطيعون رؤية الملائكة ولهذا قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا يعني نحن لا نصدق محمدا ولا بد أن يأتينا ملك وهذا من تعصفاتهم ويكلمنا ونصدق واحدا من جنسنا أو يعني نصدق واحدا من جنسنا وهو بشر مثلنا يعني فلا نصدقه فالله عز وجل أخبرهم أن هذا من فضله عليهم أنه لو جاءهم الملك لما استطاعوا أن يستفيدوا منه ولا أن يكلموه لأنه من غير جنسهم وإنما الملائكة تنزل عند العذاب والعذاب عند العذاب والعياذ بالله وعند الهلاك يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا إذا نزلت الملائكة رآهم الناس حصل الهلاك وهم لا ينزلون إلا عند الموت والاحتضار أو عند نزول العذاب والعياذ بالله أو عند قيام الساعة. Donc ici le cheikh il explique par la suite que Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il a certes fait dans le verset 164 dans surat Al-Imran, il dit Allah subhanahu wa ta'ala a certes fait une faveur aux croyants lorsqu'il a envoyé parmi eux un messager de par eux-mêmes pour réciter sur eux ces versets. Et donc ça c'est la grâce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait donc aux hommes du fait qu'il leur a envoyé un messager de par eux-mêmes de la même espèce que eux un être humain qui leur parle, qui s'assoit avec eux, qui marche avec eux, qui mange avec eux ils l'écoutent, ils l'entendent tandis que les anges on n'est pas capable de les regarder, on n'est pas capable de les voir et puis on peut pas leur adresser la parole tandis que le messager sallallahu alayhi wa sallam il accompagne les sahabas pendant le voyage, il est avec eux dans leur lieu de résidence quand ils reviennent ils peuvent lui parler et ils reçoivent de lui la révélation et la législation divine. Et donc ça c'est parmi les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les hommes. Et le cheikh il dit et vous par contre yani, vous savez ça. Il dit vous savez, vous le connaissez et dans ce cas-là vous n'allez pas dire oui mais on ne sait pas qui il est, on ne sait pas d'où il vient. Non, il vient de vous-même. Il vient de la tribu qui est la tribu la plus noble parmi vos tribus et il a vécu avec vous et vous le connaissez, vous connaissez son honnêteté et sa véracité il ne vous est pas venu comme ça comme un étranger qui vient de nulle part et il dit ensuite que les êtres humains ne sont pas capables de voir les anges ou de supporter même de voir les anges parce que yani, Allah subhanahu wa ta'ala, justement, il fait allusion à ça dans le verset 21 dans Sourate Al-Furqan, lorsqu'il dit par exemple, ceux qui n'espèrent pas en notre rencontre disent, ou on dit, yani, si seulement Allah nous envoyait un ange, ou si on pouvait voir notre Seigneur. Donc, le cheikh, ils disent que, hein, on ne croit pas en Mohammed. Ils disent, on ne croit pas en Mohammed. Il faut que nous aussi, on ait la visite d'un ange, hein, qui vient nous parler. Et on ne va pas y aller à croire à quelqu'un qui est de la même origine que nous, même espèce que nous, hein, parmi les êtres humains, un être humain comme nous. On ne va pas le croire. Et Allah leur a informé que ça fait partie de sa grâce pour eux qu'il leur a envoyé hein, un messager de par eux-mêmes. Parce que s'il leur avait envoyé un ange, ils n'auraient pas été capables de profiter de cet ange-là, ni de lui parler. Hein, parce qu'il est d'une autre espèce que eux. Et les anges, lorsqu'ils descendent, ils descendent en général avec le châtiment. Wal'iyadhu billah. Et lorsque c'est la mort qui vient, et il mentionne donc la suite du verset dans Sourate Al-Furqan, le verset 22, le jour où ils verront les anges, il n'y aura pas de bonnes nouvelles ce jour-là pour les criminels, et il leur sera dit, hein, Hijran Mahjura. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, c'est-à-dire, il leur sera dit, yani, un barrage totalement défendu. Donc c'est pour dire que les anges, lorsqu'ils descendent, les hommes vont les voir au moment de la mort, et ils ne descendent qu'en réalité que pour la mort, lorsque c'est l'heure de la mort, ou bien lorsque Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre un châtiment sur les hommes, wal'iyadhu billah, et également au jour de la résurrection, lorsque ce sera l'heure du jugement dernier. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. On continuera la suite de ce livre, inshallah, au prochain cours, bi'ibnillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته